Section 59 de La Lecture, tome 4e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 4e, section 59. Au Grand Prix de Paris, par Inaut. Il faudrait cependant s'entendre. À croire certaines personnes, on ne va plus aux courses, encore moins au Grand Prix. Les gens qui se respectent rougiraient d'y mettre les pieds. C'est fini, archi-usé, comme la potichomanie et les quadrilles de Musard, démodés comme les cachemires, la crinoline ou une toilette de l'année dernière. Écoutez les autres, lisez les descriptions de ce grand jour, jamais il n'y a eu autant de monde, de plus brillantes toilettes, de plus somptueux équipages. Dès midi, la circulation était interrompue. La recette a été splendide et a dépassé celle de l'année précédente. Qui croire? Qui a raison? Il y a certainement autant de bonne foi chez les personnes qui prétendent qu'on ne va plus aux courses que chez celles qui affirment que l'affluence y est toujours considérable. N'y aurait-il pas quelque chose de vrai dans ces deux opinions si dissemblables? Le monde, le vrai monde, ne s'est-il pas peu à peu écarté, éloigné ces derniers temps du champ de course? Il faut dire, à sa décharge, qu'il a fini par se blaser de ce passe-temps dont on a un peu abusé. Autrefois, il y avait seulement dans l'année quelques réunions auxquelles une élégante et un homme du monde ne pouvaient ne pas assister. Aujourd'hui, on peut dire que les courses sont en permanence. On améliore la race chevaline toute l'année, tous les dimanches, souvent plusieurs fois dans la semaine. Autre motif d'éloignement pour la bonne société, les courses étant devenues une véritable bourse, une bourse qui n'exige ni agent de change, ni coulissier, ni remisier, une bourse à la portée de tout le monde. Tout le monde s'y est précipité. Et quel monde! Le pesage, réservé il y a quelques années encore aux gens comme il faut, s'est vu envahir par tout ce qui avait une pièce de 20 francs dans sa poche, ou dans celle des autres, les bookmakers, leurs femelles, leurs petits et leurs séquelles. Si au point de vue de la recette, l'administration des courses n'a qu'à se féliciter de cet envahissement, si même le coup d'œil général y gagne, avouez qu'on regrette sincèrement de voir expulsé par la foule et dispersé un peu partout ce petit coin si parisien de la société qui se retrouvait de temps en temps aux courses, aux tribunes ou aux voitures. Mais si la véritable élégance perd ses droits au milieu de cette cohue et peut passer quelquefois inaperçue, en revanche, que de types variés et amusants défilent devant vous. Une véritable lanterne magique avec les verres toujours renouvelés. Promenons-nous un peu partout, des tribunes à 20 francs à la piste à 20 sous. Regardons dans les voitures, les chars à bancs. Passons en revue les piétons, les cavaliers, parisiens, étrangers, et reconstituons en quelques traits rapides toute la partie qui compose le tout d'un Grand Prix de Paris. La tribune du chef de l'État a toujours le privilège d'attirer tous les regards. Il y a des personnes qui, avant même que les courses soient commencées, se placent devant cette tribune et, au risque de passer pour des agents de la sûreté, restent dans cette position toute la journée pour pouvoir montrer Fraissinet ou Floquet aux provinciaux qui ne les connaissent pas. Jules Ferry, Flourens ont été tellement portraiturés et caricaturés qu'il n'est pas besoin de les nommer. Selon ses opinions politiques, on trouve que le président de la République et sa famille ont l'air honnête et simple, ou que l'impératrice, au milieu de ses dames d'honneur et de sa cour, faisait bien meilleure figure. La joie est grande parmi les cœurs de badauds lorsque le président fait les honneurs de sa tribune à un souverain quelconque, même à une majesté qui a cessé de plaire à ses sujets et qui fait aujourd'hui les beaux jours de la République française. Le chat de Perse, avec son aigrette, a été deux fois avec le vainqueur du jour, le héros du Grand Prix. Le frère du roi d'Italie, sans aigrette ni uniforme, ne pouvait obtenir qu'un succès d'estime. Si l'introducteur des ambassadeurs avait pu mettre la main sur un rajah se rendant en Angleterre, quelle bonne aubaine pour le Grand Prix! Chaque tribune présente un aspect différent et bien tranché. Rien de joli, de comme il faut, comme ces premières rangées de la tribune de jockey. Occupés par les familles, les mamans, les femmes, les fillettes, des membres du jockey qui font ou ont fait courir. On est vraiment chez soi, on reçoit comme dans son salon. Les jeunes filles se réunissent et organisent des poules modestes sous les yeux de leur mère. Parfois même, au bras d'un frère, d'un cousin, d'un jeune Saint-Cyrien, elles vont faire un petit tour au pesage. Et si ce frère, ce cousin est galant, on se rend au buffet prendre un sandwich et un verre de champagne frappé. C'est le ciel ouvert. Mais généralement, on garde le silence sur cette dernière escapade. Quelle joie! Quels applaudissements! Quand ce sont les couleurs du père ou du frère qui sont victorieuses! Le public de la tribune de la préfecture de la Seine se renouvelle toutes les fois. Si la préfète est une femme du monde, on a quelque chance de pouvoir fixer sa lorgnette sur de jolies femmes de toilettes élégantes. Mais qu'arrive-t-il souvent? La dame d'un conseiller municipal a offert ses cartes à une de ses amies. Celle-ci ne pouvant en profiter, s'empresse de les envoyer à une autre amie, qui elle-même, pour un motif ou un autre, n'ayant rien à se mettre, par exemple, en fait la politesse à une autre personne. On frémit en pensant dans quelles mains ces malheureuses cartes peuvent finir par tomber. Cette opération vous explique comment certaines places sont trop souvent occupées d'une manière si bizarre. Les autres tribunes sont en général occupées très bourgeoisement, boutiquièrement serait plus juste. C'est très cossu la plupart du temps, mais terriblement commun. Sanglées dans leurs corsets, rouges comme des pivoines, ces dames sont mises à la dernière mode. C'est encore dans ces tribunes, et principalement derrière la grille qui les sépare du pesage, que se réfugient les dames de compagnie des bookmakers. Très entourées, et en général trouvées charmantes, quand elles donnent de bons renseignements. Les faux ménages, les unions morganatiques des sportsmen, les cocottes, actrices non mariées n'ayant pas de bras pour pénétrer au pesage, la tribu des cardinales, quand il n'y a plus de cardinal, il y en a encore, venues sous l'égide tartan de leur mère. Ces places sur le premier rang derrière cette grille, qu'on a irrespectueusement pour tant de jolis minois baptisées du nom de Jardin des Plantes, et très improprement, car au Jardin des Plantes il est défendu de rien lancer, tandis qu'ici les louis les plus nombreux sont accueillis avec la plus vive reconnaissance, ces places, dis-je, sont très recherchées, elles font prime. On est si près du pesage, et ces messieurs sont en général si aimables. On arrive de bonne heure pour retenir des chaises. La première arrivée en garde pour ses camarades. Il entre dans la composition du pesage tant d'éléments divers un jour de grand prix qu'il est difficile d'en établir une classification bien exacte. En disant même qu'il y entre de tout, on risquerait encore d'oublier quelque chose. Pénétrons-y un instant. Prenons la file, comme nous ferons tout à l'heure pour le retour. Les chaises, à droite, à gauche, encombrent tellement le passage qu'il ne reste plus qu'une petite raie sur laquelle on puisse circuler. On fait 3 pas toutes les 5 minutes. Là, tout près de l'entrée, s'étale une famille composée de la mère et des 3 filles. On est sûr de les retrouver à toutes les manifestations de l'art, de la pensée et autres, aux séances de l'Académie, aux conférences, aux expositions de l'hôtel Drouot, au vernissage, au conservatoire, aux répétitions générales, au cirque, etc., etc. À cette place, elles verront entrer tout le monde. Il sera impossible de ne pas les voir. 40 000 francs de dot, mais ayant un goût, de petites fées naturellement faisant tout elles-mêmes. Une amie riche, en leur prêtant sa voiture, a cru leur rendre un grand service au point de vue matrimonial. Elle propose à toutes les personnes qui viennent leur parler de les reconduire en voiture. Elles remonteront 4 fois l'avenue des Champs-Élysées et rentreront dîner à 9 heures. À côté, un lot de jolies petites mulâtresses. Une véritable carte d'échantillon de toutes les nuances, variétés possibles, depuis le Maryland jusqu'à la terre brûlée, le citron et le pruneau. Les pauvres petites espèrent adoucir leurs nuances respectives en se saupoudrant de veloutine ou en se badigeonnant de crème exotique au lait de camélia. Elles font penser à Raraou, l'héroïne du mariage de Loti. Leurs diamants, leurs panaches, leurs gants à 18 boutons, leurs costumes de brocart et de velours frappé à pouf font l'effet d'un anachronisme. Malgré tout cet appareil, on les voit, comme dans l'idylle tahitienne, vêtues de costumes plus primitifs, grimpant dans les cocotiers ou prenant leurs ébats dans le courant d'une eau vive. Si leurs voisines n'ont pas assez de dot, elles en ont trop. On parle de chiffres tellement fantastiques que personne n'ose se présenter. Le rêve de la famille serait de décrocher un fils ou un parent de chambellan du régime impérial. Leurs connaissances et études historiques ne remontent pas au-delà. Ici, une bande joyeuse de jolies et jeunes tabellionnes et agentes de change, la fleur du notariat et de la corbeille. La plupart, des nouveaux ménages, pas encore blasés sur les délices du Grand Prix. C'est une partie montée depuis longtemps. On est venu en bande. Ce que l'on rit, ce que l'on jabote dans ce coin. Ces dames font des poules dans le chapeau d'un de ces messieurs. La fête sera complète. Un grand dîner de 18 couverts les attend au pavillon d'Ermenonville. Un de ces messieurs leur fait la galanterie de leur servir une chanteuse d'opérette à la mode pour le dessert. Que cette dame dans ce petit coin reçoit de visite! Toutes les jolies femmes, les élégantes ou celles qui croient l'être, viennent la bouche en cœur, avec sollicitude, lui demander des nouvelles de sa santé, de la santé de son mari, de son fils, si elle ira aux eaux, à quelles eaux, etc., etc. Et tout en parlant, ces belles se tournent et se retournent, font la roue, le pan. Comme on est gracieux avec cette dame! Et c'est à peine si elle se lève de sa chaise. Pensez donc, elle n'est pas pour rien la femme du directeur en chef d'un grand journal. Toutes ces dames seraient enchantées d'être citées à l'ordre du jour de l'élégance dans le compte-rendu du lendemain. Parmi les plus élégantes toilettes, on remarquait... Celle-ci, à l'autre coin, reçoit autant de visites, mais seulement d'hommes et de jeunes gens. Vous l'avez reconnue? Cocotte mariée richement, elle a dû rompre, du moins ostensiblement, avec ses anciennes relations féminines. Le grand prix est son grand jour. Elle peut, ce jour-là, la malheureuse, qui, excepté au théâtre et au bal de charité, au bénéfice d'inondés et d'incendiés, n'a pas d'autres occasions de faire de la toilette, elle peut, grâce au pesage, coudoyer le vrai monde et croire pendant 2 heures qu'elle en fait partie. Et cependant, elle ne s'amuse guère. Elle regrette le temps passé. Il n'y a à venir la saluer que les décavés pique-assiettes des principaux clubs de Paris qui ont leur couvert mis chez elle à perpétuité. Elle prendra le bras du plus beau nom, ou du moins taré d'entre eux, pour faire un petit tour. On a l'estomac reconnaissant, et on ne lui refuse pas cette légère satisfaction. Il ne faut désespérer de rien. En attendant qu'elle aille dans le monde, elle va au pesage. C'est toujours un commencement. Le mari est enchanté d'avoir autant de connaissances dans l'aristocratie et coté dans l'armorial. Si la composition du pesage et des tribunes laisse tant à désirer, que dirons-nous de la piste, du vaste emplacement où se tiennent les voitures? Les personnes qui vont aux tribunes ou au pesage disent que ce sont les seules places où on puisse aller. Aux voitures, on ne sait pas à côté de quel Victoria on peut se trouver. Les personnes qui assistent bravement aux courses dans leur voiture font le même raisonnement et déclarent que les tribunes sont devenues impossibles. Dès 10 heures, les fanatiques ou les belles qui ont des raisons sérieuses, nous ne disons pas honnêtes, pour être sur le premier rang, les unes pour mieux voir, les autres pour être mieux vues, envoient une de leurs voitures ou un fiacre à l'heure pour leur garder les meilleures places. Ils ou elles arrivent à 2 heures les occuper. Ceux qui n'ont à leur disposition qu'une voiture de louage apportent de quoi manger ou vont déjeuner dans une guinguette des environs après avoir choisi leur centre d'opération. Prenons garde aux coups de pied de chevaux et, pendant que la foule n'est pas encore trop compacte, circulons un peu au milieu des voitures. Ne dirait-on pas une exposition de carrosserie à travers les âges? Toutes les variétés de véhicules sortis en honneur de ce grand jour paraissent représentées. Mailles et tapissières, voitures de gala et de boucher, bogies et tape-chose, phaétons et paulines, rien ne manque à la collection. Les différents types qui meublent ces voitures ne sont pas moins intéressants à étudier. Dans le landau du grand hôtel se presse une collection de jolies misses dans leurs costumes bizarres et démodés, d'irréprochables gentlemen, la lorgnette en bandoulière, le grand chapeau gris et les roses à la boutonnière. On les a surnommées « la fontaine d'abondance », parce qu'ils ont donné à boire à tous les altérés du jour. Avant même qu'on leur ait parlé, avant qu'on leur ait été présenté, vite, a glass of champagne, des sandwichs et des biscuits au gingembre. On ne pourrait jamais croire que les flancs d'un landau, même d'un landau du grand hôtel, puissent contenir autant de bouteilles. À la fin de la journée, plus on aura bu, plus ils seront contents. Ce n'est rien encore. Si c'est un cheval anglais qui gagne le grand prix, ils iront boire à sa santé à Madrid, et peut-être au Sporting, pour payer ou se faire payer leur pari. Ils boiront encore du champagne pendant tout le temps du dîner chez voisin ou chez Bignon. Ils en boiront à souper. Si, au contraire, c'est un cheval français qui est victorieux, ils doubleront la dose pour se consoler et oublier leur malheur. Comment trouvez-vous cette adorable nichée d'amour dans cet omnibus de famille? Ils sont 8 les chers petits. Si la maman ne les a pas accompagnés, c'est qu'elle attend un petit 9e qui va débarquer de Panama. Le papa vient jouir de son triomphe pendant le goûter, qui est des plus variés, qui se compose de tartines de confiture, de coco, de croquettes de chocolat et des réservoirs de la nourrice. Moins patriarcale, la Victoria persille d'occasion d'à côté, en satin noir capitonné rouge fortement défraîchi. Une belle aux cheveux jaunes l'occupe avec sa mère. Elle avait toujours dit que la première fois qu'elle irait au Grand Prix dans une bourgeoise, sa mère l'accompagnerait. C'est son premier Grand Prix, dans des conditions aussi luxueuses. Cette solennité est une espèce de consécration pour sa famille, ses portiers, ses voisines et son coiffeur. Elle porte la toilette invariable d'un premier début, de faille bleu ciel garnie de dentelles blanches, des gants paille et un toquet triomphant. Auguste, le cocher, lui a dit qu'il était du dernier bon ton, ne pouvant arborer de drapeau, de pavoiser la voiture de fleurs. C'était justement le marché. Madame Mère a fait main basse sur tous les bouquets montés. À ces bouquets vinrent s'ajouter toutes les fleurs des bouquetières, qu'en hommes galants, les habitués des petits cercles, quelques collégiens en rupture de tunique, offrirent à ces dames pendant les courses. Aussi, Madame Mère, le soir, chez la portière, s'écriera-t-elle dans un élan de lyrisme: Quel succès, ma chère! C'est bien nous qu'avions le plus de fleurs. Tout le monde nous regardait. Autre variété dans la même espèce, mais rien de tapageur dans la mise ni dans les manières, genre calme et digne. Elle le fait à la grande distinction, dans sa calèche huit ressorts. Si de temps en temps elle ne se carmait pas les lèvres et ne se regardait pas dans sa petite glace d'or, si le cocher et le jeune groom n'avaient pas le type bellâtre des domestiques de cocotte, on pourrait la prendre pour une matrone. Ce n'est pas un début, c'est plutôt une rentrée aux affaires. Contrairement à la destinée des peuples, elle a eu beaucoup d'histoires, ce qui ne l'a pas empêchée d'être heureuse. Elle a négligé le Grand Prix pendant plusieurs années et s'est laissée oublier. Elle est vite retrouvée, reconnue, entourée. Comme dans le Marie à Babette, elle prie chacun de ses amis de mettre 10 louis sur un des chevaux qui court et qu'elle lui désigne. Grâce à cette méthode, elle a trouvé le moyen de toujours gagner. À la fin de la journée, elle a récolté 17 dîners, des déjeuners à volonté, 4 saisons de Vichy, 2 de Luchon et 7 de Contrexéville. Nous ne parlons pas des semaines de course à Trouville. En voici qui s'amusent pour leur argent, beaucoup plus que pour leur argent. Et quel mouvement ils se donnent! De vrais collégiens en vacances. À eux six, ils ont frété un fiacre à l'heure, qu'ils ont laissé à la cascade pour ne pas en payer l'entrée. C'est beaucoup plus cher d'aller aux courses en fiacre que dans les sapins du Grand Hôtel ou des cercles. Ils ont pris de vulgaires entrées à 20 sous et se sont cotisés pour se payer une carte de pesage. Ils se la repasseront à tour de rôle et en orneront leur boutonnière pendant les 20 minutes qui sont allouées à chacun. Ils font toutes les voitures, les bookmakers, les tribunes, les buffets. Ils ont donné rendez-vous au Napo à la grosse Kummel 00 à 7h30. S'ils gagnent, ils lui paieront à dîner, en commandite, comme la voiture, le pesage, si elle, de son côté, n'a pas trouvé mieux. Il faudrait encore citer, pour que ce croquis fût exact, les gens qui font semblant d'aller au Grand Prix et d'en revenir. Ils vont prendre le frais dans le fond de Saint-Cloud ou faire des visites d'été dans les environs, puis vers les 5h, ils reviennent prendre la file à la sortie des courses. Tiens, vous étiez aux courses! Je ne vous ai pas vu, ni moi non plus. Il y avait tant de monde. Comme la princesse de Sagan avait une jolie toilette. Adorable. Citons encore les personnes habitant l'avenue de l'Impératrice et restant franchement et fraîchement chez elles les jours de course. Elles reçoivent. On s'y donne rendez-vous. On s'y arrête en rentrant. Et pour les malheureux, confinés dans leur voiture, qui restent quelquefois 20 minutes sur place, sans avancer d'un pas, avec éternellement les mêmes personnes à droite et à gauche, on finit par faire connaissance et causer pour passer le temps. C'est un spectacle charmant et rafraîchissant que ces sortes de garden parties sur les pelouses des jolies villas qui bordent l'avenue de l'Impératrice. Le Grand Prix chez soi, pourrait-on dire. Plus bas, avenue des Champs-Élysées, à peu près à la hauteur de l'exposition, se prélassent en se dandinant, le monocle dans l'œil, la boutonnière largement fleurie, tous les jeunes gens ou les vieux beaux qui ne peuvent faire de la gomme qu'à bon marché, 20 centimes le fauteuil. Il faut arriver de bonne heure pour pouvoir s'asseoir. Ils saluent toutes les femmes qui passent, et surtout celles qu'ils ne connaissent pas. Ce qui fait dire aux bons badauds qui sont derrière eux, « Mon Dieu, que ces messieurs ont donc de belles connaissances !» Puis, un peu partout, le cœur des mères qui vont annuellement assister au retour du Grand Prix pour voir un peu ce qu'on portera, prendre des idées pour accommoder les restes et faire subir des transformations aux toilettes de ces demoiselles. Les femmes de chambre sont aussi de la partie, mais je dois dire que pour elles, cette fête n'en est pas une. Elles sont obligées d'être tout yeux à ce qu'on leur fait voir, tout oreille à ce qu'on leur dit. Vous ne regardez pas. C'est un plissé? Est-il en biais? Si vous croyez que nous vous avons payé le grand prix pour que vous gardiez vos yeux dans votre poche, vous ne saurez jamais draper un panier. Les malheureuses, avec la petite couturière qui vient avec ses deux ouvrières voir ce que font les grandes, et qui, rentrée chez elle, passera la nuit à exécuter ce qu'elle a vu avec du papier mou et du calicot, les femmes de romanciers myopes ou malpropres qui viennent chercher des notes vécues pour leurs prochains documents ou leurs pages ensoleillées, Les femmes de peintres intrigantes, qui produisent leurs maris partout pour être citées dans les journaux comme peintres du high life et au besoin attraper un portrait. La dame qui lance une toilette et qui, par suite de ses conventions, est forcée de la promener partout, à tous les coins du pesage, des tribunes, à l'aller, au retour. La brillante chroniqueuse mondaine, que ses fonctions obligent à détailler toutes les toilettes des beautés à la mode et de l'armorial qu'elle se fait montrer ou qu'elle entend désigner, et dont elle nous parlera demain dans des termes tellement émus qu'on croirait qu'elles ont au moins dîné ensemble, forme ce que nous pourrions appeler le martyrologe du Grand Prix. Fin de la section 59.